Sa mère, sans tension qui m'anime. Sans passion, sans merde, ils veulent qu'on se bastonne comme. Sans façon, je suis dans le prisme, là j'entends pas le son dans l'ampli. Dis-moi ce que t'as à dire, ma jauge de passion se remplit. Baby, je suis dans forteresse avec zombie et mané. Comme à chaque fois qu'on se parle mal, je passe les pires nuits de ma vie. Je suis en place là, j'ai replacé tous les morceaux et les rimes. Et dans 2 heures, je change de ville, donc je lui dis suivez-moi. J'espère qu'elle m'en veut pas. C'est pas moi, c'est les autres. Ils voulaient juste m'enlever un poids. Mentir sans qu'on parle. Si elle vient pas, je viens pas. J'ai pas fini mon verre, qu'il est déjà redevenu opaque. Sonner tout l'été, sonner tout l'été. Ça fait qu'on se fâche, j'entends.